Voilà, c'était le morceau Iktifa, issu de l'album Rituel de Musique à 13, dirigé par Roland Eyrabedian. Et c'est des compositions de Zad Moutalka. Alors, Zad Moutalka, en fait, bon, je vais lire un certain nombre d'informations que j'ai récupérées qui expliquent un petit peu sa démarche. Il cherche par le tranchant de la langue, le tranchant de la note, une force de pénétration spasmodique dans la matérialité, au sens de expérience interne au sens mystique, au sens plongé dans les arcanes du monde, comme coupure nette avec l'intelligibilité. L'éclatement de la voix fait irradier la langue, qui touche alors l'endroit inquiétant de la matière. Cette langue donc toujours sursautée ou balbutiée, agite et altère le corps sonore afin de parvenir à une hétérogénéité radicale du matériau musical. À chaque mouvement, la langue est toujours mise dans sa situation originelle d'étrangeté radicale. Les voix portent une à une la densité sonore et mystique du métal dont elles épousent, à quelque sorte, le mouvement primitif. Chacune d'elles cherche donc à rebâtir les fondements sonores d'une architecture dont chaque métal est l'expression partielle, l'expression sonore d'un ordre souterrain, et passe tour à tour par l'extension incantatoire et intime de la sonorité. La grâce d'un phrasé musical porté presque d'un seul souffle, ou l'émergence d'une voix diaphane sur laquelle vient se déposer la poussière musicale du glockenspiel, en somme, par une malléabilité vocale et instrumentale absolue. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de cet album qui s'appelle Mahadan. Mahadan, c'est un morceau, c'est comme une liturgie du métal qui met en scène 8 voix. Chaque chanteur incarnant une personnalité minérale. Une procession chemine du fer au mercure, de degré en degré, de transmutation en transmutation, et se produit dans le mystère musical. L'italien, donc c'était un morceau en italien, chanté somme comme une autre langue. On songe à l'arabe, au berceau de l'imaginaire alchimique. La façon d'étirer la voix, de jouer de l'élasticité même du chant, de sa densité, fait disparaître prosodie et dépayse la langue. Chaque métal possède sa matière sonore, son temps, son énergie et son mouvement propre. Le fer, métal dur et solitaire. Le cuivre représente la beauté et la douceur. Le plomb, source de toute spiritualité, lieu du devenir. L'étain, le symbole de la justice et de la hiérarchie. L'argent est l'image de la lune, vive et scintillante. L'or et la lumière, le principe masculin qui pourtant, par des retours vers soi et un pèlerinage dans la solitude, rejoint le fer, son exact contraire dans un intime lamento. Le mercure est ici un duo, métal double et fuyant. Le dernier mouvement, tous les corps retrouvent une forme de communion originelle. Voilà, le morceau fait 21 minutes. On va l'écouter en partie, je pense. Et puis peut-être qu'on dira un peu de texte dessus. Voilà, c'est parti. À tout de suite. Oh. Thank you. Thank you. Oh. Vous êtes sur France Impro. En effet, il est 10h35, vous êtes sur France Impro, l'émission des musiques expérimentales, improvisées, contemporaines. Et c'est sur 89.1, sur Éphémère à Toulouse, évidemment. C'est Jean-Michel au micro. On vient de passer une demi-heure avec un compositeur libanais contemporain qui est toujours en exercice, je dirais, qui s'appelle Zad Moultaka. C'est un album qui est sorti en 2017 par le groupe Musique à 13 qui s'appelle Rituel. Moi, je découvre et j'aime beaucoup le son des mots qui sont utilisés, les voix métalliques. Et puis le sens qui est donné à... Il y a un gros travail de fait avec les pensées et les poèmes du monde arabe et la juxtaposition par rapport à l'espace occidental. Il y a un texte aussi que j'ai envie de lire qui est le suivant. L'émergence spontanée et sporadique des mots qui deviennent des îlots temporaires du sens fait entrer le corps musical dans une nuit d'intelligibilité. De l'intelligible, pardon. Chaque mot est à la fois animé et ruiné, rempli et vidé par la possibilité qu'il y en ait un second, celui-ci ou celui-là, ou ni l'un ni l'autre, mais un troisième, ou rien. Voilà, c'était une phrase de Michel Foucault qui est dans le texte de l'album. Voilà, puis pour clore cette partie avec Zad Moultaka, il y a un petit mot aussi... qui vient de poèmes de Al-Ma'ari, qui était un poète autour de l'an 1000, qui est le suivant. Tu n'as jamais rien trouvé d'étonnant dans ta vie qui ne soit une image du passé. Voilà, c'était un moment de mots, de voix. Et j'ai beaucoup apprécié les voix du groupe Musique à 13. J'espère vous également. On va changer pas mal d'ambiance. Puisqu'on va passer la deuxième partie de cette matinée jusqu'à 11h, hein, c'est une courte partie de la matinée, avec un autre album. On va aller dans l'impro ce coup-là, avec deux musiciens dont on a déjà parlé ici, que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Joël Léandre, qui est contrebassiste, et Donick Lazaro, qui était justement, si je ne me trompe pas, à Jazzalus cet été, au mois de juillet. Et avec un album qu'ils ont enregistré à Asparan en 2011 et qui s'appelle Asparan. Voilà. Voilà, on va écouter. Je vais peut-être dire quelques textes aussi. Et puis après, on fera l'agenda des concerts dans le coin. Voilà, on commence tout de suite. C'est parti. Mmh. Langage. Bien au-delà du fait que l'improvisation permet de s'affranchir de l'intermédiaire du texte et du temps nécessaire à son interprétation, elle ne constitue pas pourtant un raccourci qui mènerait plus rapidement à un rendu discernable dans le sonore et le visible. L'improvisateur se retrouve confronté à la durée même de sa pratique. Le travail d'une vie. Desquels se dégage un langage propre et singulier, issu du double mouvement d'accueillir et de rejeter. Accueillir ce qu'on perçoit du réel. Ce qu'on s'apprend à apercevoir du réel. Mais aussi s'accueillir dans ses limites et ses capacités immédiates. À se fondre dans cette présence. Rejeter ce qui ressemble au commun, ce qui est tenu pour dit, les prérequis. Se rejeter en tant que véhicule culturel, en fouillant dans son aliénation, répéter plutôt qu'inventer. En faisant effort de conscience envers ses réflexes et habitudes. De ce double mouvement à l'aspect réflexif, s'accueillir et se rejeter, donc, naît un langage dont l'apprentissage se confond avec son apparition. Ce langage, comme une langue qui n'a besoin d'aucune traduction pour pouvoir dialoguer, est constitué de fragments, de circuits qui se sont développés parce qu'il a fallu déplacer son propre, parce qu'il a fallu déplacer son approche à l'écoute. Il dévoile une identité. Mais c'est un langage qui reste vivant, parce qu'il refuse l'affirmation, parce qu'il ne cesse de porter un questionnement, sidéré par l'agilité de l'instant. Voilà, c'était langage, c'est un extrait, on avait l'habitude de le faire, et j'aime bien le faire, c'est un extrait de l'ABCDR d'une expérience de Lee Kuan Lin. Lee Kuan Lin qui est un percussionniste improvisateur. Voilà, on va continuer avec l'album Asparan de Joël Léandre et Donick Lazereau avec un autre morceau. Voilà, tout de suite. Voilà, la fin de l'émission approche. Je voulais en profiter pour faire passer les dates. Il y en a énormément en octobre. Des concerts qui auront lieu dans le coin autour de l'impro, mais pas que. Des musiques contemporaines, expérimentales ou du jazz aussi. Par exemple, donc ce soir, donc comme je vous le dis, il y a beaucoup de choses. Ce soir, c'est donc le 14, ça se passe au Taquin, rue des Amidonniers. Il y a Hancock en stock, donc c'est un hommage au jazz funk d'Herbie Hancock avec des musiciens de la scène groove toulousaine. Voilà, c'est au Taquin, l'ancien Mandala pour ceux qui connaissent. Également ce soir, il y a un concert en trois parties. Il y a Mochi Boubaker, donc c'est Katsura Yamochi qui est un saxophoniste japonais. Et Eddie Boubaker qui est un ex-saxophoniste mais qui est guitariste et bassiste aujourd'hui. Et qui joueront chacun un solo et ensuite un duo au Caméléon. Bon, le Caméléon, c'est rue du Pont-Saint-Pierre, hein, côté Saint-Cyprien. C'est à 20h. Lundi soir, on sera le 16, c'est Godspeed You Black Emperor. C'est au Bikini. Alors, il faut aller voir sur le site du Bikini. C'est un concert. Il y a le 18, une conférence qui s'appelle Leçon de jazz par Guillaume Perret. Bon, c'est pas un concert, hein, c'est une leçon. De jazz qui est consacré à l'électrification de l'instrument. Voilà, multiples possibilités de mixage, de style à partir d'outils musicaux, hétéroclites, etc., etc. Donc c'est Guillaume Perret qui va donner ça. Ça se passe au Taquin, toujours rue des Amidonniers. Vous allez voir, il se passe plein de choses au Taquin. Le 19 octobre, alors ça c'est vachement bien aussi. Ça se passe à Archipel, c'est sur la place Arnaud-Bernard. C'est organisé par Laurent Avizou. Et ses performances sur le fil, consacrées à l'expression libre. Donc c'est à 19h30, avec arrivée du public, buvette, un peu un buffet. 20h, il y a une première partie avec un duo improvisé. Et ensuite, il y a une pause. Et à 21h, il y a une deuxième partie avec des musiciens improvisateurs qui se déclarent sur place et qui jouent ensemble. Donc il n'y a pas forcément de préparation, ce n'est pas un groupe formé. Mais ce jeudi 19 octobre, par contre, on peut en parler quand même. Il y aura Thierry Di Filippo avec Elisa Trocmé. Donc Thierry Di Filippo, c'est guitare, oud et clarinette. Il y a Elisa Trocmé qui est clarinettiste. Il y aura Laurent Avizou qui est guitariste et clarinettiste également. Et Léa Christine Cousy qui est danseuse, qui est mouvement. Et il y aura également Swati Kupta Sakaro qui est plasticienne. Ça c'est donc la première partie, tout ça, 19 à 20h. Et deuxième partie à 21h avec les mêmes personnes ou pas, plus des musiciens qui voudront bien se joindre à eux. Donc c'est le 19, c'est sur le fil, c'est vachement bien. C'est à Archipel. Le 19 toujours, il y a une conférence, donc c'est la deuxième partie où j'en ai déjà parlé, où il y a une erreur. Ouais, c'est ça, il y a une deuxième partie de la conférence sur la leçon de jazz de Guillaume Perret. C'est toujours au Taquin. Le 27 octobre, concert de fin de résidence de Host Chestra, donc ça se passe au Théâtre des Mazades, le 27 octobre donc. Toujours le 27 octobre, et là c'est un festival en deux soirées, le 27 et le 28. C'est le festival Multidom 3, Multitou, soirée 1 et soirée 2, donc il y a énormément de choses. La première soirée se passe au Pavillon Sauvage, le 27 donc, Et la deuxième soirée se passe au lieu Virgule à Toulouse. C'est le 28, donc. Donc, il faut aller voir sur le site. Il y a énormément de trucs. On fera une émission spéciale, d'ailleurs, le 28 avec Eddie Boubaker pour parler de ce festival et d'autres choses qui auront lieu à la fin du mois d'octobre et début décembre. Voilà, voilà. On continue peut-être notre exploration de l'album Asparin avec Joël Léandre et le saxophoniste Donick Lazarou. Voilà, c'était l'émission France Impro. On espère que vous avez passé un bon moment. Ça donne chaud. N'oubliez pas, c'est donc tous les deux fois par mois, deuxième et quatrième samedi. Vous pouvez nous réécouter toutes les émissions sur le site franceimpro.net. Et voilà, il est 11h. Je vous souhaite de bien vous porter. On se retrouve dans 15 jours avec Eddie Boubaker. Ciao, ciao, à bientôt. Bagadara iga maina baba bila na dama.